Encore un cercle à graver, des initiales en lettres d'or. Le petit chien comme s'il savait que tous les grands veulent en être top. Le monde est laid, qui lui dira oubliez-moi. J'ai envoyé ma conscience à l'est pour une poignée de billets moi. Et je ne compte pas la revoir sitôt, donc si t'as le temps, Dias Marmo, clame on est rend heureux que ce que ça excite attend. J'ai pas une connerie dans le genre, fais un effort mec, qu'il va s'en sortir, mais crée les formels. Quoi, tu vas lui dire que tout est rose, qu'il touche zéro. Ou que si le bonheur est à 10, existe un monde en dessous de zéro. Vas-tu lui parler de sa race? Car tout se dilate donc, cet homme s'appelle Sarah et du poppers pour que son trou se dilate. Vas-tu lui parler de ses femmes un peu trop faciles? Resto, métro, vaseline et acrobatie classique. Puisqu'elle est belle comme dans un clip de fou. Ah, il est amoureux, vous allez garder les cuisses pour toute l'équipe de foot. Burke, pour oublier, dis-lui de boire du Sky. Il attendra toute sa vie, elle baise après deux noix de muscat. Comme ses rêves, vas-tu lui dire dans les règles ou laisser dans ses rêves? Qu'il crève bouche ouverte ou qu'il encaisse les dents serrées. Façon, choisis pas le destin, possède certaines ruses. Ce sera peut-être Zoé. Au Central Park, au coin de la 7ème rue. Tiens elle, si elle était heureuse, elle en peindrait ses ongles. Mais pour rester vierge, elle doit courir plus vite que son père et ses ongles. Oubliez-moi, j'ai pas les mots pour parler un mot. Mais encore moins d'un monde qui donne à boire et à manger un monstre. Oubliez-moi, j'ai ni le moral ni l'envie. Et puis ce soir m'attend le mal, je file en ville. Alors encore un cercueil aggravé, encore des êtres souffrés, encore ce petit qui chale me donnerait envie d'être sourd. Le monde est laid, je lui dirais, oubliez ça. Mais je peux faire envoyer sa peine à l'est pour une poignée de billets sales. Toi, tu vas lui dire que tout est simple, ou qu'un seul homme peut se donner la mort après en avoir étouffé cinq. L'endroit est plein de vilains personnages, lui cacheras-tu que c'est un gamin de son âge qui dira crache la thune. Vas-tu parler plastique et sida, ou ne lui mettre que dans la tête celle de Polybase, il est Zidane. Explique-lui chaque cicatrice, ce petit gars triste, qu'il n'y a qu'un pas entre ici-bas et l'hôpital psychiatrique. Pourquoi papa boit? Pourquoi elle se croit laide? Pourquoi sa pauvre mère le soir s'enfermait dans les toilettes? Pourquoi les cris sortent de la chambre de sa sœur aînée? Mais si chaque question avait une réponse, ben ça serait mec, hein. Dieu lui que les vieux croupissent sans soliste, et qu'il n'y a pas d'âge pour faire une dernière lettre suivie d'un nœud coulissant solide. Il verra le gris de la ZAC, le prix de la salle. Tu vas vraiment lui dire que la police le protège? Mais vas-y quitte la salle. Dis-lui bien que dehors c'est 100% dépravé. Dans la rue qu'il faudra à travers ses coups, le sang des braves. Finalement, je croyais être un corps de classe stupide. Pourtant j'ai un cœur, mais il a peu de place, tu biches. Oubliez-moi, j'ai pas les mots pour parler un mot. Mais encore moins d'un monde qui donne à boire et à manger un monstre. Oubliez-moi, j'ai ni le moral ni l'envie. Et puis ce soir m'attend le mal, je file en ville.